Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les exploitants des espaces de loisirs sur les bords du lac Tanganyika réclament des réductions des impôts et taxes pendant les périodes de fortes précipitations puisqu'ils travaillent à perte. Les eaux ayant envahi les plages réduisent en effet l'affluence des clients. La plupart des marchés construits par l'État dans les provinces du pays ne sont pas assurés. Les commerçants ne font pas non plus assurer leurs marchandises. Le constat a été fait par l'Agence de régulation et contrôle des assurances dans des descentes faites de 2021 à 2023. La majorité des dossiers traités par l'institution de l'Ombudsman burundais concernent des jugements de justice qui n'ont pas été mis en exécution. C'est un des points saillants du rapport présenté ce jeudi devant les députés à Kigobe. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les marchés de l'intérieur du pays, excepté ceux de la plaine de Cibitoke, ne sont pas assurés. Même les commerçants ne se sont pas encore imprégnés de l'importance d'une souscription à une assurance pour leurs marchandises. C'est le rapport de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances depuis 2021 jusqu'à 2023, selon Gilbert Ndaïkenguru, qui est assistant du secrétaire général de l'ARCA. Il demande aux administrateurs et aux commerçants de faire assurer respectivement les marchés et leurs marchandises. Suivez-le. Il y a eu d'abord faire l'état des lieux et sensibiliser la population à prendre l'assurance. C'est en 2021 qu'on a commencé, on a lancé une grande campagne de sensibilisation. On a commencé par les administratifs, on a commencé par cette sensibilisation et on a mené un contrôle, notre campagne de contrôle, de respect des assurances, notamment les assurances obligatoires. On a constaté en 2022, on a déjà contrôlé depuis 2022-2023, on a constaté que normalement les marchés gérés par les communes ne sont pas assurés. Ils ont pris note de ça et ils ont rassuré que dans leur planification, ils vont tenir compte de la souscription de l'assurance pour les marchés, pour protéger les marchés gérés par les communes. Mais aussi, il y a d'autres exploitants des immeubles de commission. Moi, ce sont des commerçants qui doivent aussi prendre l'assurance. L'assurance, responsabilité civile d'exploitants des immeubles de commission pour justement protéger ceux qui viennent acheter leurs marchandises. On a déjà visité plusieurs marchés de l'État, dans le sud, dans le centre, dans l'est, au nord. On a vu que vraiment c'est alarmant parce qu'il n'y a pas de marché qui a été assuré. Mais c'est promettant parce que les administratifs ont dit que dans leur planification, ils vont mettre ça, l'assurance. Nous leur disons tout d'abord de faire assurer les marchés de l'État. Ce sont eux qui doivent le faire. Il faut que dans leur planification, ils insèrent l'assurance. On espère qu'ils doivent prendre l'avant pour montrer l'exemple. Gilbert Ndaïkenguru, qui est assistant du secrétaire général de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances, ARCA. Les eaux sont montées anormalement ces derniers jours, envahissant ainsi les plages à certains endroits au bord du lac Tanganyika. Les exploitants de ces espaces de loisirs déplorent qu'ils travaillent à perte actuellement. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro demandent au gouvernement de visiter ces endroits pour constater cette situation déplorable et de voir comment ils pourraient diminuer les impôts et taxes puisqu'ils enregistrent un manque à gagner énorme lié à peu d'affluence de clients à cause de ces inondations. Un reportage de Jean-Marie Vianengendakoumana. Là où nous sommes passés au bord du lac Tanganyika, le constat est que les eaux de ce lac ont débordé anormalement, envahissant certaines plages, notamment Kalera Beach, Petit Passam et Zion Beach. Les exploitants de ces espaces de loisirs déplorent qu'ils travaillent à perte actuellement. La situation est très mauvaise, puisque les clients vraiment ne sont pas nombreux comme auparavant. Et puis, on peut vraiment diminuer le travail, puisqu'il n'y a pas d'argent pour les payer. Puisque les moyens viennent en fonction des clients. Lorsqu'il n'y a pas de clients ici, c'est-à-dire que les moyens aussi diminuent de jour au jour. Les clients diminuent de jour au jour, surtout le week-end. Les conséquences arrivent sur le côté des employés de Petit Passam, diminution des employés. Il y en a des pertes parce qu'on est obligé de payer les impôts et les taxes. Si on est attaqué par les inondations, il y a beaucoup de conséquences. Par exemple, les clients ne fréquentent plus ces endroits, le rendement baisse, et s'il y a baisse de rendement, c'est que la santé financière de l'entreprise devient fragile. Une fois fragile, alors des conséquences s'en suivent du côté des employés, du côté des impôts, du côté des infrastructures. Ces derniers demandent au gouvernement de visiter ces endroits pour constater cette situation déplorable et de voir comment ils pourraient diminuer les impôts et taxes. D'après eux, les gens fréquentent moins ces endroits dès ces moments. Pendant la saison pluvieuse, les clients ne peuvent vraiment y parvenir à la plage. C'est pour cette raison que, si c'est possible, l'État peut diminuer vraiment les taxes en fonction de la saison. Il faut également demander que pendant cette période, les autorités nous accompagnent aussi en ce qui concerne les impôts, prendre des mesures de ne pas imposer pendant cette période difficile. Nous demandons l'État de diminuer les taxes. Il demande en outre la sensibilisation envers la population environnante de ces places de loisirs pour qu'elle canalise les caniveaux dans le but de lutter contre certaines inondations. Ce que nous demandons au gouvernement et aux autorités administratives, c'est de nous accompagner pendant ces moments difficiles, en sensibilisant surtout les voisins, les habitants de Bujumbura, de faire la propreté, de déboucher les caniveaux pour que pendant ces fortes pluies, les eaux soient bien canalisées vers les endroits où doivent se déverser. Ces montées des eaux du lac Tanganyika a commencé à se remarquer depuis le début du mois de janvier 2024, au moment où elle était habituelle les mois de mars et avril, selon les exploitants de ces espaces. Jean-Marie Vianney, Ngendakoumane. Près de 1200 dossiers sur un peu moins de 1300 reçus ont été traités au cours de la période allant de novembre 2022 à décembre 2023 par l'institution de l'Ombudsman. Lors de la présentation du rapport annuel de cette institution à l'hémicycle de Kigobe ce jeudi, l'Ombudsman Aimé Laurentine Kanyana a indiqué que la majorité de ces dossiers sont des jugements de justice qui n'ont pas été mis en exécution, ainsi que des litiges fonciers. Elle affirme que ces dossiers ont été transmis à la justice pour être clôturés. Les détails avec Sheila Irambona. Présenter le rapport des activités réalisées au cours de la période allant du 23 novembre 2022 au 31 décembre 2023, c'est ce que l'ombudsman burundais Aimé Laurentine Kanyana est venu faire à l'hémicycle de Kigobe ce jeudi. Dans son exposé, l'ombudsman burundais a indiqué qu'au cours de cette période, 1292 dossiers ont été enregistrés et que parmi ces dossiers, 1194 dossiers ont été clôturés. Autre fait qu'elle a souligné est que l'essentiel de ces dossiers proviennent du ministère de la Justice. Les dossiers clôturés par cette institution ont été transmis au ministère de la Justice pour être encore une fois traités, a-t-elle ajouté. Et aux élus du peuple de demander pourquoi ces dossiers proviennent essentiellement de la justice et s'il n'y a pas de responsabilité de ce ministère. Ces parlementaires ont demandé à l'ombudsman burundais si elle fait un suivi pour ces dossiers transférés au ministère de la justice. Sur ce point, l'ombudsman burundais promet le suivi. Elle indique qu'elle va faire un rapport pour des cas qui n'auront pas trouvé une solution pour cette fois-ci. 63% des plaintes enregistrées par cette institution de l'ombudsman burundais proviennent de la justice, telle que révélée par ce rapport présenté ce jeudi par cette institution. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Des caféiculteurs de la colline Tongwe en commune et province de Bururi réclament d'être payés une somme de plus de 3 millions de francs burundais que leur doit la station de dépulpage et de lavage du café de cette colline. Depuis l'année dernière, Protein Dayegamiye, chef de colline, demande à son hiérarchie de prendre en main cette question. Le chef de cette station, Gaspard Kanungeko, a à maintes reprises donné des rendez-vous de paiement qui n'ont pas été honorés. Zenon Zambuman. Après vérification sur la liste de ces agriculteurs qui ont vendu leur café l'année écoulée à cette usine de dépulpage et de lavage du café de la colline Tongwe, Protein Dayegamiye, chef de cette colline, fait savoir que cette station doit une somme de 3 340 000 francs burundais à 44 caféiculteurs de cette localité. Il indique que cette vérification a été faite au mois de septembre de l'année écoulée, le jour où ces agriculteurs avaient fait un sit-in au bureau du chef de cette station de lavage du café pour réclamer le paiement du café vendu sur place depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin de l'année écoulée. Ce jour-là, Protenda Egamie fait savoir qu'il a essayé de calmer la situation en exigeant aux responsables de cette usine de signer une convention relative au calendrier de paiement de cette dette, une convention qui n'a jamais été respectée jusqu'aujourd'hui. C'est le chef collinaire, en même temps représentant de ces caféiteurs de Tongwe. Protenda Egamie demande à son hiérarchie de tout faire pour que ces caféiteurs soient rétablis dans leurs droits. C'est lui, le responsable de ce centre de dépulpage et de lavage du café, aujourd'hui introuvable, devrait être recherché, arrêté et conduit devant la justice. Interrogé à ce sujet, Gaspard Kanungeko, chef de ce centre, confirme qu'il doit cette somme à ses caféiteurs et indique qu'ils seront payés au plus tard le 20 de ce mois en cours. Depuis Tongwe, en commune de Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci Zénon. Et c'est certaines denrées alimentaires comme les graines de maïs, certaines variétés de riz et le haricot de la saison culturelle T ont baissé le prix dans l'ordre de 300 à 500 francs burundais au marché de Kayanza ces deux dernières semaines. Mais le prix des semences de haricots a grimpé pendant cette même période. Le directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture conseille aux agriculteurs de ne vendre sur le marché que le surplus. Adalan Léon Saba prévient les commerçants spéculateurs contre des sanctions auxquelles ils s'exposent. Patrick Sengyomp. Lors de notre passage au marché de Kayanza, nous avons constaté que le prix de certaines denrées alimentaires a baissé. L'exemple est celui selon les commerçants à ce marché du prix du riz qui a baissé en l'ordre de 4200 francs à 4000 voire 3900 francs. Les mêmes commerçants font savoir que le prix des grains de maïs a passé aussi de 2000 à 1700 francs le kilo ces deux dernières semaines. Ils indiquent également que même le prix des haricots a baissé en l'ordre de 2700 francs à 2500 francs, voire les mêmes 2400 francs. Les acheteurs de ces denrées alimentaires disent se réjouir de la situation. Et les acheteurs de même que les commerçants à Kayanza, tous ces deux côtés pensent que ces prix ont baissé avec le rendement agricole de la saison culturelle, ce qui aurait été bon d'après eux. Toutefois, de l'autre côté, les agriculteurs grognent que le prix des semences et des haricots grimpe du jour au jour. Ils indiquent que le prix d'un kilogramme des semences et des haricots s'achète à 3000 et plus au marché de Kayanza. Le directeur du bureau en charge de l'agriculture et l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza demande aux agriculteurs de ne pas gaspiller le rendement agricole à l'écoulant au marché. En cas de nécessité, selon lui, l'agriculteur pourrait vendre le surplus. Adalan Yonsaba met aussi en garde les commerçants spéculateurs pour le prix des semences et des haricots que des sanctions leur seront infligées. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles des provinces, les professeurs des cours techniques nécessitant des travaux pratiques dans différents lycées de Ngozi craignent un retard dans l'avancement des programmes à cause des coupures répétitives d'électricité. Ces jours-ci, ces éducateurs indiquent que bon nombre de cours pratiques se font dans des laboratoires où se trouvent des machines qui consomment du courant électrique et demandent par conséquent à la régie des eaux de leur assurer une distribution permanente du courant pour ne pas compromettre les résultats des tests nationaux donnant accès à l'université. Apollinaire Mutsakara. Comme l'indiquent ces professeurs de cours techniques, pas mal de cours se font dans des laboratoires abritant des équipements nécessitant du courant électrique. C'est l'exemple, selon eux, des laboratoires de mécanique générale, d'informatique, électricité industrielle, laboratoires d'électronique et autres où les apprenants doivent manipuler les machines consommant l'électricité dans les travaux pratiques. Pourtant, ces jours-ci, l'électricité manque presque toute la journée, déplore-t-il, et ses professeurs restent bras croisés presque toute la journée à l'école, les élèves aussi assis sans rien faire. Conséquence, selon eux, les programmes ne seront pas achevés alors qu'il y a des classes terminales prêtes à compétir dans l'examen d'aide. Ils parlent aussi d'énormes pertes en ce qui est des activités de l'autofinancement de l'école qui s'arrêtent et autres, d'où ils demandent à la régie des eaux de penser à ces écoles pour que ces élèves n'en subissent pas d'énormes conséquences. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et des agents de cette société de distribution d'eau et d'électricité à Ngozi, contactés par notre correspondant, disent qu'ils se voient obligés de recourir au délestage du fait de l'insuffisance de l'énergie électrique. Un don de 6 salles de classe ainsi que 150 bancs pupitres, deux blocs de latrines ont été octroyés par une ONG allemande œuvrant à Kirundo en faveur de l'école fondamentale Gitwe en commune Bogabira. Ces infrastructures ainsi que les équipements ont coûté plus de 250 millions de francs burundais. Le directeur de cette école reconnaît que ce don soulagera l'école dans ses besoins et leur permettra de supprimer le système de double vacation. Abraham Safari. Ce don constitué de 6 salles de classe, 150 bancs pupitres, 2 blocs sanitaires ainsi que 4 ceps d'eau ont été érigés par l'organisation internationale allemande Vertungel Health, comme le précise Hatungman Isidore, le chef de bureau de cette organisation en province de Kirundo. Ce dernier signale que toutes ces infrastructures ont coûté plus de 250 millions de non francs. Il ajoute également que cette organisation a déjà construit 8 blocs de salles de classe dans 3 communes, dont 5 en commune de Busoni, 2 en commune de Kirundo, 1 en commune de Bugabira et ils sont prêts à continuer cette action. Le directeur de l'école fondamentale Gitwe Rukundo Daniel salue l'initiative de Vertunger Health car ils avaient maintes problèmes surtout liés à la vétusté des salles de classe. Ce directeur précise que ce dont leur parvient à point nommé, les élèves étaient obligés de faire la double vacation suite à l'insuffisance de salles de classe, ce qui est pour le moment réglé. Les élèves perdaient énormément du temps lorsque la pluie tombe. Ils étaient obligés de s'abriter sous le toit du bloc administratif, continue Rukundo Daniel. Quant à la directrice provinciale de l'enseignement à Kirundo, Mukaporona Leokadi, ils enregistrent beaucoup de problèmes dans le secteur de l'éducation, surtout liés au manque de salles de classe, de bancs pupitres et autres, suite au nombre élevé d'élèves. Lorsqu'une telle action est faite, cela vient apaiser le fardeau, raison pour laquelle elle salue le don octroyé par cette organisation Vertungel Health. Cette autorité fait savoir que suite à l'effectif élevé d'élèves, ils enregistrent un manquant sensible de bancs pupitres, où la moyenne montre que 4 à 5 élèves partagent le même banc pupitre. Signalons qu'à côté des infrastructures, l'ONG Vertungel Health appuie également certaines écoles dans le système de cantine scolaire. Depuis Kirundo, Avran Safar pour la radio Isanganiro. Et pour boucler ce journal, le taux d'adhésion aux méthodes contraceptives en province de Tchankouzo est passé de 35% en 2019 à 21% en 2023. Le gouverneur de la province Tchankouzo a déploré cette diminution. C'était lors d'une réunion organisée par le projet Nkuriza. C'était mardi et mercredi dans le cadre du débat social sur la fécondité. Il a interpellé les administratifs à sensibiliser la population sur l'importance de ces méthodes de limitation de naissance. Raymond Moudende. La chute d'adhésion aux méthodes contraceptives en province Tchankouzo, qui a passé de 35% en 2019 à 21% en 2023, s'explique en partie par l'opposition entre les confessions religieuses et les sujets de soins quant à l'efficacité de ces méthodes. Cette position s'est manifestée ce mercredi à Tchankouzo lors du débat social sur la problématique de la fécondité, débat organisé par le projet Nkuriza. Au moment où les confessions religieuses mettent en avant les méthodes naturelles, les sujets de soins vulgarisent les méthodes contraceptives, d'où la population parfois tombe dans la confusion, ne sachant pas quelle méthode adopter. Dans cette réunion, on a parlé des conséquences de cette chute d'adhésion et comme conséquence, il y a l'augmentation de la population. Aussi, des grossesses précoces des filles est aussi un signe visible de la non-adhésion aux méthodes contraceptives en province Tchankouzo. Boniface Banyezako, gouverneur de la province Tchankouzo, a profité de l'occasion pour révéler que l'éducation des filles ne cesse pas de se détériorer en province de Tchankouzo. Ici, il a lancé un appel aux parents de revoir l'éducation de leurs enfants pour contribuer à la diminution des naissances. Un autre appel a été lancé aux leaders de prêcher par un exemple dans l'adhésion aux différentes méthodes de limitation des naissances. Ces leaders devront alors sensibiliser la population sur l'impact d'une population nombreuse et les inciter à adhérer aux méthodes de diminution de naissance. Et certains participants ont demandé à ce que la population soit sensibilisée sur les effets des méthodes contraceptives et que les confessions religieuses et les structures de soins travaillent en synergie pour le changement de la mentalité de la population à Tchankouzo. Depuis Tchankouzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nilo.